Attention! Hello punk, à quelle heure puis-je vous braquer? Tout doit disparaître, le rap français s'est fraté. Le crime fait rage quand je pose d'or, ma mamie est explosive. Crois pas, je fais de l'éco-trip, mais quand j'arrive, je mets des gros kicks. On pèse tous ces forons qui puis ces sacs, les coquilles. Je vais agrandir la police, mais juste pour faire les gros titres. Le savoir est une arme, appelle-moi Lunage, Pickoff, MC, quand ça rap, Tinoff, mélange les saveurs, Molotov. Les casiers des poteaux, c'est comme les chenets d'aujourd'hui. Tu pues la défaite, voilà ton chèque, raconte pas ta vie. Trop de leur dit, Bicraft des grosses doses. Lui gros, j'ai trop de flow, j'inhale des gros cônes, motherfucker.